l'occasion de la Journée du Soleil, le séminaire Internet d'Amérique sur les immortels exploits révolutionnaires des grands hommes Pectosan a eu lieu à Lima, sous les auspices communs du Comité préparatoire d'Amérique et du Comité préparatoire péruvien pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pectosan 2017. Y en prépare le Comité préparatoire d'Amérique et autres comités préparatoires de 12 pays de la région pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pectosan 2017. Les personnalités des milieux politiques et sociaux, les intéressés de presse, les citadins du Pérou, les personnalités des formations d'amitié et de solidarité avec le peuple coréen de divers pays, l'ambassadeur coréen et ses collaborateurs au Pérou. Au séminaire, le rapporteur a exalté les exploits immortels du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il, du dirigeant suprême Kim Jong-un et de Madame Kim Jong-suk, héroïne anti-japonaise, accomplie pour la révolution coréenne et la réalisation de la cause d'émancipation du monde. On y a présenté les lettres adressées par le comité préparatoire coréen et autres comités préparatoires de divers pays et régions du monde pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pectosan 2017. On a écouté les interventions et adopté une lettre à l'adresse du dirigeant suprême Kim Jong-un.